Collège de France, les cours sont libres, c'est-à-dire que viennent les écouter les gens qui veulent, n'importe qui. De sorte que, finalement, quel est celui qui est examiné? Quel est celui qui est sous le pouvoir de l'autre? Moi, je dirais qu'au Collège de France, c'est celui qui enseigne. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Jérémie est-il un nouveau Moïse ou bien le dernier des prophètes envoyés par Yahvé ? Pourquoi a-t-on lié ce qu'on appelle les prophètes antérieurs, entendez Josué, les juges, Samuel et les rois, aux prophètes postérieurs, s'interroge l'exégète philologue Thomas Römer. Comment la destruction de Jérusalem et de son temple vers 587 avant l'ère chrétienne apparaît-elle dans le livre des prophètes? Et comment l'exil et la captivité babylonienne en seraient-ils un pivot? Thomas Römer, titulaire de la chaire des milieux bibliques au Collège de France, ancien doyen de la faculté de théologie de l'Université de Lausanne, où il enseigne également la Bible hébraïque, poursuit sa grande enquête au cœur des textes bibliques. Entre actualisation des recherches et stimulante érudition, il interroge cette année la naissance de la Bible entre anciennes et nouvelles hypothèses. Depuis la semaine passée, Thomas Römer revient sur l'histoire des textes bibliques et sur la question de leur datation. Il a indiqué que les dernières décennies ont été marquées par les nouvelles découvertes, de nouvelles hypothèses qui font apparaître la formation de la Bible aujourd'hui sous un autre jour. L'exégète philologue, qui est aussi qualifié de bibliste, revient sur la conception de ses recherches dans une interview de 2018 et je le cite. « Je pourrais vous répondre que le bibliste est quelqu'un qui a choisi la Bible comme objet de recherche et qui lui consacre la plus grande partie de sa vie. » Mais cela pourrait provoquer des malentendus, des ambiguïtés, parce que certains considèrent qu'un bibliste est un fanatique de la Bible, qui ne voit la vie que par elle, au fond qui ne jure que par elle. Ma conception est plutôt celle d'une personne qui essaie de comprendre l'origine et l'histoire des textes bibliques, de comprendre aussi comment ces différents livres ont constitué cette bibliothèque qu'est la Bible. Celle-ci ne se réduit pas à un support de lecture fluide ou de méditation, bien qu'il ne soit pas mauvais de s'y adonner. Il faut, pour la comprendre, accepter d'user d'une méthodologie variée, comparer les manuscrits, les traductions, pratiquer des études littéraires, consulter les sources épigraphiques, des documents se rapportant au contexte dans lesquels les textes bibliques ont vu le jour, l'archéologie, bref, garder l'œil et l'esprit ouverts, faire preuve d'un esprit d'investigation. Et c'est bien cet esprit que nous allons retrouver cette semaine. Dans le cours précédent, Thomas Römer a ouvert la question de la formation du livre des prophètes, les Nébiïm. Alors le livre de Jérémie peut-il être analysé comme un complément à l'histoire deutéronomiste? Quelles sont les annonces de salut dans les livres des prophètes? Le livre d'Ésaïe est-il une suite ou un contrepoint à l'histoire deutéronomiste? Comment les livres prophétiques peuvent-ils participer d'une propagande royale? Quelle synthèse pourrait opérer le livre d'Ézéchiel? Et tout de suite, comment la figure du prophète écrivain s'efface-t-elle au profit de celle des rédacteurs? Nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 18 avril 2019 pour le cours de Thomas Römer, Naissance de la Bible, aujourd'hui, de la tradition orale à la mise par écrit des plus anciennes traditions du royaume d'Israël. Bonjour. Nous devons, avant de nous poser la question sur toutes les origines, la tradition orale, les textes les plus anciens, nous devons encore terminer notre parcours concernant la question de la formation des Nevi'im, des prophètes. Donc, vous savez, dans le canon juif, il y a les prophètes antérieurs qui sont en fait les livres historiques que nous avons en effet discutés la semaine dernière. Et maintenant, nous allons regarder un peu comment, avec ces livres historiques, les livres prophétiques proprement dit forment une unité. Ce n'est pas évident pourquoi est-ce qu'on a mis ensemble, en fait, des livres qui font de l'histoire de Josué jusqu'au livre des rois, pourquoi on les a considérés comme étant liés, en fait, au livre des prophètes. Donc, si vous regardez cette image qui représente le prophète Ésaïe, vous voyez que traditionnellement, l'idée, c'était quoi? L'idée, c'était, en effet, que les prophètes, c'était aussi les écrivains. On parlait même des prophètes écrivains. Donc ici, vous voyez que Ésaïe reçoit son inspiration, mais il a déjà le rouleau dans la main pour qu'il puisse en effet tout noter, ce qui est en effet l'idée traditionnelle. Jusqu'au début de la recherche dite historico-critique, en effet, on pensait que les prophètes étaient aussi ceux qui mettaient par écrit leurs livres. C'est aussi d'ailleurs ce que dit la tradition juive et ce que dit la tradition chrétienne. C'est seulement après coup qu'on se rendu compte quand même qu'il y a une certaine distance qui sépare le livre des paroles. C'est un peu comme dans les évangiles où on se dit, bon, il y a les paroles de Jésus, mais ce n'est pas Jésus qui a écrit les évangiles. Donc du coup, en effet, ce qu'on voulait faire, surtout au 19e et encore au début du 20e siècle, c'est de chercher ce qu'on appelait les ipsissima verba, c'est-à-dire en fait les paroles vraiment du prophète. Et le reste était considéré comme moins important, comme étant ajouté par des rédacteurs. Donc, on pensait en effet, ce qui était important de savoir, qu'est-ce qu'ils sont les paroles que le prophète a vraiment dit. Un peu, quelles sont les paroles du Jésus historique, c'est tout à fait comparable. Et puis, on considérait en effet les prophètes comme étant des génies religieux. Les prophètes, c'était ceux qui avaient l'inspiration, qui en effet étaient bien au-delà du peuple et qui avaient une sorte de contact direct avec la divinité. On s'était aussi posé la question si la prophétie n'était pas quelque chose de typiquement israélite. On pensait ça jusqu'au 18e, 19e. Évidemment, après, quand on a commencé à s'intéresser à la Mésopotamie, on s'est rendu compte très très vite qu'il y a des prophètes un peu partout. Déjà à Marie, deuxième millénaire avant l'ère chrétienne, en Syrie, on a différents types de prophètes. On a les Mouhou et les Mouhoutoum, donc beaucoup de femmes prophétesses, qui existe aussi dans la Bible, mais dont la Bible a un tout petit peu peut-être censuré l'existence, qui, en effet, interviennent régulièrement. La racine veut dire « tomber en extase », ce qu'on peut peut-être en effet rapprocher au Navi hébraïque, mais il y a aussi des « apiloum » qui n'ont pas tellement cette connotation extatique. Ce qui est intéressant aussi, que déjà là, on constate que les oracles, pour les transmettre, on fait quoi ? On les met sur les tablettes. On les met sur les tablettes et ensuite on les envoie surtout au roi, parce que très souvent dans ce contexte, c'est une prophétie royale. Idem, plus proche de l'époque biblique, la prophétie néo-assyrienne, où en effet, on a aussi des hommes, tout autant des femmes inspirées, qui se présentent au temple et qui donnent en effet des conseils ou des directives au roi concernant des questions politiques, militaires, parfois aussi sociales. De nouveau, on met tous les oracles par écrit et on les garde dans les temples. Avec l'idée, on ne sait jamais si ça arrive ou pas, mais on va les mettre par écrit, comme ça au moins on verra ce qu'ont dit les prophètes, si c'est juste ou pas. Ça, c'est d'ailleurs un grand problème. Comment distinguer le faux du vrai prophète ? Jusqu'à aujourd'hui, toutes sortes de recettes, mais il n'y a aucun qui marche vraiment. Parce qu'on peut dire, un prophète, c'est un vrai prophète lorsqu'il prévoit ou prédit quelque chose et ça arrive. Donc si ça n'arrive pas, il n'est pas un vrai prophète. Rappelez-vous l'histoire de Jonas dans la Bible. Il annonce la chute de Ninive. Et le roi et toute la population changent de comportement. Et Yahvé, en effet, décide de pas détruire la ville. Et c'est pour cela que Jonas il est tellement en colère. Parce que selon la définition du Deutéronome, ce sera un faux prophète. Parce qu'il a annoncé quelque chose et ce qui n'est pas arrivé. Donc vous voyez, le problème de vrai et de faux prophète, c'est que Dieu peut changer d'avis. Et donc du coup, ça devient difficile à gérer. pas seulement Dieu, les présidents, les politiciens, mais enfin bon, ça c'est un grand classique. Alors revenons au prophète. Donc au Levant, nous avons dans la stèle de Zachir la mention d'autres prophètes. Je reviendrai plus tard sur Balaam, Ader Allah. Donc en effet, la prophétie biblique s'enracine clairement dans le cadre du Proche-Orient ancien. Maintenant, je ne veux pas insister là-dessus, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a quand même des spécificités de la prophétie biblique ? Je vous laisse réfléchir, il y a quelques personnes qui ont dit, mais on trouve nulle part ailleurs le terme de Navi, bien que le Mouchoum a quelques ressemblances au niveau de la signification étymologique, mais certains biblistes disent, on trouve nullement ailleurs cette critique des sacrifices qu'on trouve dans certains prophètes. Hein, quand Osée dit « c'est l'amour qui me plaît, pas le sacrifice, je ne veux pas des holocaustes, mais plutôt la connaissance de Dieu », ça c'est quelque chose dont on n'a pas vraiment des parallèles. Hein. Et d'autres diront encore, même le fait d'avoir ce que les Allemands appellent la « Schriftprophetie », la prophétie littéraire, c'est-à-dire la construction de livres entiers autour d'un prophète, le plus proche que nous avons, c'est peut-être Balaam, mais même cela, c'est beaucoup plus restreint ce que nous avons. C'est-à-dire des rouleaux entiers. Nous avons des tablettes chez les néo-assyriens, mais des rouleaux entiers qui sont attribués à tel ou tel prophète. Ça, c'est quelque chose que nous avons simplement du côté biblique jusqu'à maintenant. Alors, comment faut-il s'imaginer le chemin du prophète au livre ? Donc, comme je vous ai dit, jusqu'à dans les années 60. Évidemment, on savait que les prophètes n'ont pas tout écrit, mais on imaginait que très vite, il y avait des disciples ou des gens très proches, et dans un délai chronologique très très court, tout a été mis par écrit, et donc il fallait toujours distinguer les parties authentiques des parties rajoutées. En même temps, et ça c'est intéressant, en même temps je vous ai parlé des crises qui s'est développée dans la compréhension de la formation du Pentateuque, au même moment se fait jour aussi une crise dans la compréhension de la formation des livres prophétiques. Et tout d'un coup on se rend compte que l'intervention des rédacteurs est beaucoup plus importante que les paroles des prophètes. Il y a des hypothèses où finalement du prophète historique reste peu de choses, enfin encore quelques petits versets, et tout le reste, en fait, le livre sera construit simplement par des rédacteurs qui s'inspirent en fait d'un nom pour en effet faire passer leur message. Donc, du coup, retrouver derrière tel ou tel livre le prophète historique, le Jérémie historique ou l'Ésaïe historique devient quelque chose de très très difficile. Donc le noyau qui pourrait remonter au prophète, c'est réduit parfois à quelques versets. Ça, il faut en effet vous imaginer ça un peu comme l'idée d'une sorte de petite boule de neige qui devient comme une sorte de lavine qui s'accroît au fur et à mesure. Je ne sais pas si c'est toujours ainsi qu'il faut imaginer les choses, mais actuellement, c'est vrai que on est très critique par rapport à la reconstitution de ce qui sont les paroles historiques de tel ou tel prophète. Mais je vous montrerai tout à l'heure quand même que ce n'est pas totalement impossible à mon avis. On s'est très peu intéressé en fait, et c'est ce que je voudrais un peu maintenant quand même faire avec vous, parce qu'il faut parler un peu des nouvelles hypothèses, on s'est très très peu intéressé à la question comment s'est fait en fait le regroupement de tous ces livres avec les livres historiques. Et est-ce qu'en effet, il y avait une volonté de mettre du sens dans la collection des livres prophétiques tels que nous l'avons maintenant ? Parce que très souvent, on a pris un livre après l'autre, on l'a analysé, on ne s'est jamais posé la question, mais comment ça se fait qu'on a les trois dites grands et les douze petites, et comment ça se fait qu'on les a en même temps que les livres dites historiques ? Donc une première chose qu'on peut faire, c'est très simple, de regarder simplement, si on prend les trois grands, les titres qu'on donne à ces livres. Pour Ésaïe, on parle des visions d'Ésaïe qu'on situe entre le roi Ozias et Ézéchias. Après, on a Jérémie, on parle des paroles de Jérémie entre les rois Josias et Sédécias. Et finalement, Ézéchiel, dont on parle des visions parmi les exilés à Babylone. Donc Ézéchiel est déjà parmi les exilés à Babylone. Et donc, vous voyez, si vous comparez ces trois titres, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez en effet une continuité chronologique qui va de l'époque des rois au moment justement qui va amener la chute de Judas, Josias, jusqu'à Sédéchias, qui est le dernier roi, et finalement, on est en exil à Babylone. Donc vous avez en effet une progression. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous prenez les trois titres, vous voyez que les prophètes, ils ne parlent pas seulement. Hein? Parce que pour Ésaïe, on parle des razones, de la vision. Hein? Après, pour Jérémie, des paroles. Et encore une fois, des visions, marque haute, pour Ézéchiel. Mais ce qui est important, c'est en effet d'imaginer une sorte de progression chronologique qui fait apparaître la destruction de Jérusalem et l'exil à Babylone comme étant un peu le pivot, le centre de cette structure. Maintenant, comment on peut imaginer que ces livres se sont mis ensemble avec les livres historiques ? Et là, il faut commencer par le livre de Jérémie. Le livre de Jérémie, nous allons d'abord revenir un moment dans le Deutéronome, puisque dans le Deutéronome, il y a une théorie sur ce que sont les prophètes. En Deutéronome 18, Moïse est en effet installé comme étant le premier des prophètes, et Dieu lui dit « Je ferai surgir pour les Israélites, du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que j'annonce. » Les prophètes, ici, sont en quelque sorte des prédicateurs de la loi, et ça, on le trouve dans le livre des rois, où, en effet, on explique au chapitre 17 que la destruction de Samarie est arrivée. Pourquoi ? Parce que le peuple n'avait pas écouté les prophètes. Yahvé avait averti Israël et Juda par l'intermédiaire de tous ces prophètes, en leur disant, revenant de toutes vos voies mauvaises, observez mes commandements, en suivant toute la loi que j'institue pour vos pères. Et que je vous ai envoyé par l'intermédiaire de mes serviteurs, les prophètes. Donc ici, les prophètes, c'est les serviteurs de Yahvé, mais c'est surtout les prédicateurs de la loi. Ce n'est pas toujours le cas pour les prophètes. Par contre, c'est exactement de cette manière que présentait Jérémie. Si vous prenez les livres de Jérémie, d'abord, vous voyez que c'est un prophète qu'on peut appeler très deutéronomiste. C'est le prophète le plus deutéronomiste. D'abord, on constate que le dernier chapitre de Jérémie, le chapitre 52, correspond en effet à la fin du livre des rois. Dans les deux cas, on raconte la destruction de Jérusalem de manière très très parallèle. Donc vous pouvez presque faire une synopsis pour comparer les deux récits. Ce qui est très curieux parce que on avait déjà parlé de cela à l'intérieur du livre de Jérémie, mais on le reprend encore une fois à la fin. Donc, le livre de Jérémie se termine avec des événements autour de la destruction de Jérusalem et l'exil. D'ailleurs, le thème de l'exil est fondamental puisque Jérémie 1, au début, parle de la racine Gala, être déporté, être exilé, qui va revenir tout à la fin du livre. Donc, ça fait vraiment une sorte de cadre, c'est la question de l'exil. Mais Jérémie est surtout, et ça c'est le plus important, Jérémie est surtout le nouveau Moïse ou le dernier des prophètes à la manière de Moïse. Souvenez-vous ce qu'on avait vu en Deutéronome 18. « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dirait tout ce que je lui commanderai. » Qu'est-ce que Dieu dit à Jérémie ? « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Tu iras vers tous ceux auprès qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je te commanderai. » Donc c'est exactement ce qui est marqué en Deutéronome 18. De même, si vous prenez cet oracle de Jérémie, il m'abandonne, donc c'est Dieu qui parle, pas le prophète, il brûle des offrandes à d'autres dieux, il se prosterne devant l'œuvre de leurs mains, ben, on le trouve dans la bouche de la prophétesse Hulda, dans le livre des rois. De nouveau, regardez, c'est tout à fait parallèle. Donc il y a des liens très étroits entre Jérémie et le livre des rois. Déjà, les rabbins avaient dit que Jérémie est l'auteur du livre des rois, ce qui sans doute pas le cas, mais ils avaient vu qu'il y a beaucoup de liens entre les deux livres. Et vous prenez encore l'histoire du livre trouvé par Josias Et le livre brûlé dans l'histoire de Jérémie, parce que ça c'est très intéressant, Jérémie, vous avez cette histoire que ces paroles sont déjà mises par écrit par un scribe, Baruch, et le roi Joachim va brûler le livre. Donc c'est la première fois dans l'histoire qu'on brûle un livre. Et ça va mal se passer, évidemment, pour celui qui le fait. Mais on voit en effet qu'il y a un lien très clair entre le livre trouvé et le livre brûlé. Vous avez donc des indications très claires de mettre les deux livres ensemble. Et donc c'est peut-être là l'origine de cette bibliothèque qui va se mettre en place dans le deuxième temple de Jérusalem. D'ailleurs, en 1 roi 8, vous vous souvenez qu'il y a ce grand discours de l'inauguration du temple par le roi Salomon. Et au chapitre 7, vous avez l'annonce de la destruction du temple. L'annonce de la destruction du temple, qui est en effet écrit avec le même vocabulaire que l'inauguration du temple, vous l'avez au chapitre 7 et encore une fois au chapitre 26. Je ne vais pas vous lire tout le texte, mais là vous avez typiquement un texte qui est peut-être même à l'origine du livre de Jérémie. Il faut vous imaginer un prophète qui vient dans le temple et qui dit « ce temple va être détruit ». Donc Jésus n'a rien inventé. C'est déjà, en effet, là ce qui se trouve en Jérémie 7. Et ce texte tel que vous l'avez maintenant, c'est un texte certainement révisé par tous ces rédacteurs deutéronomistes, mais ce qui est important, c'est qu'on peut sans doute y reconstruire une version plus ancienne, et ce qui est aussi important, c'est qu'il va comparer en fait le temple de Jérusalem au temple de Shiloh, de Silo, hein, un sanctuaire du Nord qui, apparemment, a été détruit avant. Donc, annoncer la destruction du temple, c'est probablement ce qui est même à l'origine du livre. Un dénommé Jérémie qui se présente et qui dit « voilà, ce temple sera détruit ». Peut-être c'était prévisible, hein, mais c'est quelque chose de totalement inouï, inimaginable, et c'est pour cela qu'on l'a certainement mis par écrit. Donc là, justement, la parole ancienne, vous voyez, la destruction du temple est en effet expliquée par le fait qu'il y a des gens qui prennent le temple un peu comme une sorte de lieu magique. Il suffit d'être dans le temple pour être protégé. C'est sans doute dans le contexte, en effet, du siège ou, disons, des attaques des Babyloniens. Et il dit bah, ça ne suffit pas s'il n'y a pas une certaine pratique sociale qui s'accompagne en effet avec cette affirmation « on est en sûreté dans le temple de Yahvé ». Donc ça, c'est sans doute l'origine même du livre de Jérémie, cet oracle annonçant la destruction du temple. Parce que ça, c'est quelque chose qui frappe les gens. Donc on peut en effet imaginer que c'est à partir de cet oracle va se constituer ce livre de Jérémie, qu'on va en effet regrouper avec le livre des rois, hein, parce qu'il explique ce que le livre des rois raconte, la destruction du temple, et d'autres livres prophétiques qui, en effet, vont y être ajoutés, notamment les livres d'Osée, d'Amos, de Michée, qui ont en effet tous des introductions de manière tout à fait semblable. Les paroles de Yahvé à tel prophète au jour de tel roi et de tel roi, roi d'Israël et de Juda. Donc la collection, en fait, deutéronomiste va s'enrichir, en fait, de certains rouleaux prophétiques. Mais on ne va pas rester là. On ne va pas rester simplement à l'annonce de la destruction. On va dépasser ces choses-là. Et on voit que le livre de Jérémie, déjà, a été, en effet, réécrit par des rédacteurs. Vous connaissez tout ce texte parce qu'il est très important, récupéré aussi par le christianisme, c'est l'annonce d'une nouvelle alliance. Voici les jours vont venir où je conclurai une nouvelle alliance. Pas comme l'alliance que j'avais conclue avec les pères. Et c'est quoi cette nouvelle alliance? C'est que la loi sera mise à l'intérieur du peuple, c'est-à-dire plus besoin de l'enseigner ni de l'apprendre, il sera quasiment inné dans chacun. Ce qui, à mon avis, n'est pas encore vraiment arrivé, mais c'est annoncé ici. Et donc là, vous avez en effet cette opposition entre ancien et nouveau qui va en effet reprendre une sorte de dichotomie qu'on va trouver dans d'autres livres prophétiques aussi. En Jérémie 11, on parlait des anciens pères ou de premiers pères, rishonim en hébreu, hein, les anciens pères qui, en effet, étaient responsables, les premiers pères qui ont été responsables de la destruction de Jérusalem. Et en Jérémie 31, on parle de la nouvelle alliance. Donc il y a en effet cette opposition entre anciens et nouveaux. Et ça, ça va nous amener en effet à notre livre qui est le livre d'Ésaïe, deuxième partie. Ne vous souvenez plus des premiers événements. Le même mot en hébreu, rishonim. Hein. Ne ressassez plus les faits d'autrefois, car moi je vais faire du neuf qui déjà bourgeonne, ne vous le voyez-vous pas. Et donc là, en effet, c'est quoi? C'est ne vous souvenez plus des premiers événements. C'est en effet une sorte de critique de l'interprétation deutéronomiste de la crise de l'exil. Ne parlez pas tout le temps de la destruction de l'exil. Il va y avoir du nouveau. Donc une sorte d'invitation à oublier le jugement divin et un discours tourné vers l'avenir qui souligne la rupture avec le passé. Donc vous avez l'idée d'une nouvelle création, d'un nouvel exode, et ce qui montre en effet que dans les livres prophétiques, il y a des divisions différentes sur l'exil et sur la crise de l'exil. Ce n'est pas simplement le jugement divin. À partir de cela, il va y avoir de nouveau. Et cela, en effet, se trouve dans le livre d'Ésaïe, mais qui, en même temps, est aussi raccroché, d'une certaine manière, au livre précédent historique. Souvenez, en Ésaïe, on a le premier, le deuxième, le troisième Ésaïe. Et entre le premier et le troisième Ésaïe, on a le chapitre 36-39. Et ça, c'est très intéressant, parce que c'est exactement le même phénomène que vous avez en Jérémie. C'est-à-dire, vous avez trois chapitres qui sont parallèles dans les livres des rois et en Ésaïe. On raconte là le siège de Jérusalem qui n'aboutit pas. Et qui marque la séparation entre la première partie qui parle d'un prophète à l'époque de la monarchie et du deuxième prophète, du deuxième Ésaïe, qui va parler, en effet, dans le contexte du début de l'époque perse. Mais ce qui est intéressant, là aussi, il y a cette volonté de raccrocher le livre d'Ésaïe au livre, donc, des rois, exactement comme en Jérémie. Parce qu'on a deux fois des récits parallèles. Contrairement cependant à Jérémie, c'est pas la chute de Jérusalem qui est relatée en détail, mais le siège de Jérusalem qui n'aboutit pas, ce qui permet ensuite d'introduire en fait les oracles de salut que nous avons en effet dans le deuxième Ésaïe. Néanmoins, il y a un épisode, en fait celle de l'ambassade babylonienne, qui va déjà amener aussi la question de l'exil. Alors, vous savez que le livre des rois se termine avec la sortie du roi Joachim de sa prison babylonienne. Et du coup, se pose une question qui est celle de la pérennité de la dynastie davidique. Dans le livre d'Ésaïe, il est souvent question du roi idéal à venir. Connaissez un roi qui fera paître la justice, etc. Voici, la jeune fille est enceinte, donc vous connaissez tous ces textes, qui va mettre au monde le roi idéal. Mais c'est qui le roi idéal? Est-ce que c'est un nouveau David? En Ézéchiel, en effet, on parle d'un nouveau David. Mais qui est le roi idéal dans le livre d'Ésaïe? Si vous le lisez comme un ensemble, c'est qui le roi idéal? C'est Cyrus, c'est le roi perse. C'est le roi perse qui, dans la deuxième partie, est appelé le Messie de Yahvé. Et donc, ce que vous avez ici, et ça, c'est quand même assez intéressant, il y a une sorte de découplage entre une perspective sioniste, parce que le livre d'Ésaïe, c'est très sioniste, c'est Jérusalem qui est au centre, mais pour que Jérusalem reste au centre, il n'y a pas besoin de roi. Ils n'ont pas de roi davidique. Le roi davidique est remplacé par le roi Cyrus, dont le deuxième Ésaïe reprend simplement la propagande que vous avez dans le cylindre de Cyrus. Donc vous savez que Cyrus s'est fait célébrer par les Babyloniens comme étant l'envoyé de Marduk. Dans le deuxième Ésaïe, il est célébré comme étant l'envoyé de Yahvé. Exactement avec le même vocabulaire que vous pouvez voir ici sur l'écran. Alors, reste encore le livre d'Ézéchiel, où là, en effet, et voyez, c'est pour cela, en effet, vous n'avez jamais de discours unifié, parce que dans le livre d'Ézéchiel, il va à question du nouveau David, alors que là, c'était Cyrus. Le livre d'Ézéchiel est en effet établi comme une sorte de synthèse, on pourrait dire, entre l'histoire deutéronomiste, Ésaïe et Jérémie. D'abord, en fait, le livre est construit de sorte que la chute de Jérusalem est une sorte de pivot à partir duquel les choses vont changer. Parce qu'avant, le prophète devient muet, il ne peut plus parler. Et lorsque Jérusalem tombe, un rescapé vient vers lui et le prophète commence à parler et il annonce en effet la restauration. La restauration qui ne vient pas tout seul, parce qu'au début, il y a la question de la rébellion qu'on trouve dans l'histoire deutéronomiste, dans Ésaïe, et qui est même radicalisée en Ézéchiel, parce qu'on va dire que, et ça on ne le trouve pas dans le Pentateuque, déjà en Égypte, vos pères ont été rebelles vis-à-vis de moi. Quelque chose qu'on trouve dans les textes tardifs, dans l'histoire deutéronomiste. Mais cette présentation de la rébellion va amener en effet à la promesse de faire entrer le peuple dans le pays. Et là, c'est intéressant parce qu'il est de nouveau question que Yahvé prête serment pour réaliser cette promesse. Mais ce qui est intéressant, maintenant, on fait un tout petit peu de vocabulaire. Cette promesse est, en effet, dit Nasayad. Donc, le serment, je lève la main. Alors que dans le texte deutéronomiste, c'est toujours Nishba. Vous pouvez me dire que ce n'est pas très important. Si, c'est important, parce que c'est exactement le vocabulaire sacerdotal que vous trouvez en Ézéchiel. Et donc, en effet, en Ézéchiel, on a souvent observé qu'il y a un lien très fort entre le vocabulaire qu'on trouve dans le livre d'Ézéchiel et le vocabulaire qu'on trouve dans les textes dits sacerdotaux. Alors, donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire ? Du coup, on pourrait se poser la question si Ézéchiel était d'abord dans une autre bibliothèque ou dans un autre rayon. Il y avait plusieurs rayons dans cette bibliothèque. Il y avait un rayon deutéronomiste et il y avait un rayon sacerdotal. Et Ézéchiel était sans doute dans le rayon sacerdotal. D'autant plus qu'il se termine avec justement la description d'un nouveau temple, d'un nouveau culte sacerdotal, mais aussi d'un nouveau David. Donc, on voit qu'en effet, à l'origine, il y a deux grandes tendances, la tendance un peu deutéronomique et la tendance sacerdotale. Donc, ce qu'on peut dire sur les discours prophétiques, ils sont en effet différents, mais en même temps compatibles. Ehud Ben Zvi avait dit que c'est un seul groupe, qu'il appelle lui les literati, difficile à traduire, qui aurait tout mis comme ça par écrit, qui aurait pu imiter tous les langages d'Ézéchiel, de Jérémie, de Ésaïe. Ça me semble un peu trop simpliste. Donc je pense qu'il faut en effet avoir un modèle un peu plus différencié, imaginer des origines quand même différentes de certains rouleaux, avec l'idée que finalement, c'est quand même cette idée que les prophètes ont quelque chose à dire par rapport aux livres historiques qui les précèdent. Donc il y a des différences, mais je pense que ce qui va rassembler tous ces livres prophétiques, c'est quoi ? Et c'est pour cela aussi qu'ils n'ont pas été intégrés dans le canon des Samaritains, parce que vous savez que les Samaritains se sont contentés en fait de la Torah, et quand vous regardez comment les Nevi'im sont construits, ben, vous comprenez. Parce que qu'est-ce qu'il est au centre vraiment des Nevi'im, que ce soit les premiers ou les derniers ? C'est bien Jérusalem. C'est bien Jérusalem dont les livres des rois racontent la destruction et dont les livres prophétiques annoncent la restauration. Et d'ailleurs, il y a le thème, si vous prenez les trois prophètes, le thème d'un nouveau nom pour Jérusalem. Ésaïe commence avec cette idée, après Jérusalem, on t'appellera la ville de justice ou la cité fidèle. Et en Ézéchiel, à partir de ce jour, le nom de la ville sera Yahvé Shammah, Yahvé sera là-bas. Donc c'est en effet cette convergence quant à la légitimation de Jérusalem qui donne au livre prophétique une unité, une cohérence. Et ça vous explique aussi, évidemment, pourquoi les Samaritains se sont passés de cette collection. Parce qu'évidemment, pour eux, le lieu choisi, le lieu saint, c'est bien le Garizim. Le Collège de France et France Culture vous présente Thomas Römer dans le cadre de sa série « Naissance de la Bible, anciennes et nouvelles hypothèses ». Aujourd'hui, de la tradition orale à la mise par écrit des plus anciennes traditions du royaume d'Israël. Bien, donc nous avons vu maintenant comment la Torah, les Nevi'im se sont constitués. Maintenant, il faut retourner bien en avant, se poser la question, où est-ce que tout a commencé? Jusqu'à où on peut remonter? Et je vais vous parler aujourd'hui un peu de la tradition orale et des premières mises par écrit. Donc là, on est sur un terrain très glissant. Avec ce que je vous ai montré sur les prophètes, c'est à peu près, disons, sûr, au moins, disons, ce qui se passe au moment de l'époque perse. Là, maintenant, ça va être un peu plus compliqué, vous allez voir. Première chose qui n'est pas compliquée, ce qu'on peut dire et ce qui ne pose aucun problème, c'est que les sociétés du Levant et du Proche-Orient ancien furent des sociétés orales. Ça, c'est clair. Alors, si vous prenez ce livre de Madame Susan Neidich, Oral World and Written World, donc un monde oral et la parole écrite, elle cite des statistiques que dans la Grèce antique, on a peut-être 10% des gens lettrés, alors que dans le Levant et la Mésopotamie, c'est entre 1 et 5%. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la capacité de lire et surtout d'écrire est vraiment réservée à une sorte d'élite, et cette élite, ce sont les scribes. Ce sont les scribes qui, en effet, ont laissé des traces pour montrer qu'ils se considéraient quand même comme faisant partie de la classe élue. Je voudrais juste vous citer pour l'Égypte. Pour l'Égypte, on a ce qu'on appelle l'enseignement de Kéti, qu'on appelle aussi la satire des métiers, que vous connaissez peut-être. C'est un texte très fréquent, recopié, peut-être même parce que les scribes s'amusaient, de siècle en siècle, où en fait, il y a quoi? Il y a une caricature de tous les métiers. Le potier sous la terre, bien qu'il se tienne parmi les vivants, les immondices l'infestent plus qu'un porc, etc., etc., etc. Et puis donc, conclusion, on voit, il n'y a pas de métier qui soit exempté chef, à l'exception le scribe. C'est lui le chef. Si tu apprends à connaître l'écriture, cela sera meilleur pour toi. Il se croyait un peu à l'ENA d'une certaine manière. Et évidemment, deviens scribe et tu seras exempté de redevance, préservé de tout travail. Donc voyez en effet que les scribes, c'était vraiment ceux qui avaient le pouvoir. Et d'ailleurs, on pense que souvent, il y avait même des rois qui n'étaient pas lettrés. Et donc, ils devaient faire confiance en fait aux scribes. Bon, là, je ne fais pas de commentaires. Alors, on peut en effet parler aussi encore d'une différence entre l'Égypte, la Mésopotamie et le Levant. C'est le Levant, parce que très vite, déjà à Ougarit, on a un alphabet. Et évidemment, apprendre un alphabet, c'est quand même plus facile que apprendre, je sais pas combien, 400, 500 signes cunéiformes pour écrire. C'est quand même plus simple. Donc il y a une certaine démocratisation, mais qui va pas tout de suite non plus donner lieu à une grande activité littéraire. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une société illettrée, ou très peu lettrée? On a d'abord recours à l'image. Vous avez, par exemple, dans les reliefs assyriens, donc là, vous avez le texte, mais le texte, en fait, au-dessus du texte, vous avez l'image. Donc, même si vous ne lisez pas le texte, vous comprenez quand même, grosso modo, de quoi il s'agit. Là, vous avez une scène de déportation qui est décrite en détail en bas. Là, vous avez, en effet, cette scène mythique, en fait, de la présence du Dieu Assur qui veille sur ce monde et qui est symbolisé, dont la stabilité est symbolisée par l'arbre de vie, ce qui fait évidemment penser à la Genèse. Là, vous avez une scène avec des scribes qui, justement, notent le butin des gens après qu'ils sont exilés. Hein. Et là, vous avez de nouveau une scène avec des déportations, des statues des dieux, et en haut, de nouveau, le texte. Hein. Et donc, ça veut dire que le texte, à la limite, même aujourd'hui, si vous voyez ces scènes, et vous ne lisez pas couramment l'Acadien, ben, vous comprenez quand même de quoi il est question. Hein. Ou encore, c'est pareil aussi en Égypte, là, vous avez le pharaon, Toutmosis, qui va, en effet, abattre les ennemis cananéens, hein, ce qui est aussi écrit, mais même si vous ne lisez pas, vous voyez la force du pharaon. Hein. Et souvent, les choses sont liées. Prenez aussi encore la stèle de Hammurabi, où vous avez le texte de loi, mais au-dessus, vous voyez le roi qui reçoit de Shamash, du dieu de la justice, du soleil, les lois pour les faire appliquer. Donc, on peut, en effet, s'aider avec l'image. Alors, en ce qui concerne la transmission des traditions, comment on fait ? On ne peut pas toujours faire des grandes bandes dessinées. Je pense que les palais et les temples, ils s'occupent d'abord des archives, des annales, des récits à la gloire des rois, des comptages, des contrats. Mais qu'est-ce qu'il y a avec les traditions populaires ? Qui les transmet ? Alors là, je vous rappelle quelqu'un qu'on a déjà vu quand je vous ai parlé du Pentateuque, Hermann Gunkel, hein, qui avait en effet ouvert son commentaire sur la Genèse en disant « La Genèse est une collection de légendes ». Donc en fait, c'est lui le premier qui introduisait dans les études bibliques cette idée que ce soit le yaviste ou ben, même s'il n'existe plus, le premier qui écrit les textes, qui les met par écrit, il les invente pas. Il les reçoit. Mais il les reçoit d'où ? Donc de la tradition orale. Donc lui, il était très influencé, en effet, par les frères Grimm, hein, parce que c'est un peu la même époque qui collectait les traditions dites orales. Aujourd'hui, on sait aussi que les frères Grimm collectaient pas vraiment les traditions orales, c'est-à-dire vie, mais ils les réécrivaient à leur sauce, avec leur idéologie. Donc ce qui montre déjà aussi un problème du passage de l'oral à l'écrit. Mais l'idée, c'était en effet ce qu'il appelait, lui, le Sitzim Leben, le contexte dans la vie, l'assise dans la vie. C'est que, faut vous imaginer, les familles, le soir, sans télé, sans rien, où en effet, le père, l'ancêtre, va raconter les histoires d'antan. Donc c'est ça la transmission que Gunkel envisageait, de manière tout à fait similaire, si vous voulez lire quelque chose en français, Adolphe Loh, qui a enseigné ici à l'École pratique des hautes études, qui avait en effet aussi insisté sur le rôle de la tradition orale dans la formation des récits de l'Ancien Testament. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle parfois l'école scandinave, c'est-à-dire c'est des chercheurs, surtout suédois, qui en effet insistaient beaucoup sur la tradition orale, mais avec l'idée en effet que presque tous les textes bibliques n'ont été mis par écrit qu'après l'exil, après la destruction de Jérusalem. Et qu'avant, en effet, à l'exception des textes de loi, les textes de prose, de narration, de poésie étaient en effet transmis de manière orale. Mais de manière tellement stable que les scribes, en effet, qui les écrivaient, mettons au 5e siècle avant l'ère chrétienne, gardaient, en les mettant par écrit, des récits qui datent, disons, de la fin du 2e, du début du 1er millénaire. Donc il y a l'idée qu'il y a une grande stabilité dans la tradition orale, qu'on la transmet fidèlement. Est-ce que vous êtes convaincus par ça ? Vous pouvez penser peut-être à vos propres familles, quand on a des histoires qu'on se raconte. Chaque famille a des grands sujets, mais ils ne sont pas forcément toujours racontés de la même manière. Et puis là, évidemment, ce qui a donné un peu, ce qui a mis en question cette théorie, c'est cette enquête de Albert Lort et Milman Perry, s'appelle « The Singer of Tales ». Ça, c'est un livre magnifique, malheureusement jamais traduit, je ne sais pas pourquoi. « Le conteur », où c'est lui qui transmet les histoires. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il y a même des livres où il y a même les enregistrements que vous pouvez écouter, disons, ils ont décédé avec. Ils ont fait des enquêtes auprès des conteurs qui étaient tous illettrés. Hein. Donc, dans l'ex-Yougoslavie, donc en Serbie, Bosnie, mais aussi en Bulgarie. Et ils sont retournés de manière régulière pour écouter, en fait, les grands récits des origines de tel clan, de telle famille, etc. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté ? D'abord que ça change tout le temps. Il n'y a pas d'auteur ni de version originale. En même temps aussi, on voit que les conteurs n'apprennent pas par cœur, parce qu'ils ont retrouvé les mêmes conteurs après 4-5 ans, c'était toujours là, et qui leur ont dit « Mais pourquoi vous revenez ? On a déjà raconté ça quand vous êtes venu la dernière fois. » Mais en fait, ils racontaient autre chose. Donc en fait, les conteurs n'apprennent pas par cœur, ils connaissent évidemment des thèmes, ils connaissent l'intrigue, mais ils s'adaptent chaque fois au public et aux circonstances. Donc, il n'y a jamais de récit identique. Et ça, ça devrait faire penser. Il n'y a pas de récit identique. Donc, ça met évidemment en question l'idée selon laquelle les traditions orales auraient été transmises fidèlement de génération à génération. Il faut abandonner cette idée-là. En même temps, ce qui est intéressant aussi, qu'à l'intérieur du grand récit, selon les épisodes, il peut y avoir des contradictions. Où on raconte deux fois la même chose, là, dans ces récits-là, c'est que le héros, il reçoit, en fait, ses armes. Une fois, il ne reçoit pas sa mère. Une fois, il va les voler lui-même auprès d'un roi. Et on raconte les deux. Mais ça ne semble pas gêner ni le conteur, ni le public. Donc, ça fait penser aussi un tout petit peu à notre manière de faire l'exégèse des textes bibliques. Parce que souvent, quand on dit « Ah, il y a une contradiction », forcément, ça va être un autre auteur. Ça peut l'être, mais peut-être pas toujours. Donc, ça veut dire, pour la Bible hébraïque, même s'il est très probable qu'il y ait des histoires sur lesquelles je reviendrai, l'histoire de Jacob, l'histoire de l'Exode, certainement aussi, aurait été d'abord transmis de manière orale, nous n'avons aucun moyen de reconstituer cette forme orale. Alors, il faut faire le deuil de ça. Vous n'avez pas ça. Donc on peut dire que les origines sont orales, mais quand les scribes l'ont mis par écrit, c'est certainement pas de la manière où ça a été raconté la première fois. L'oralité, évidemment, elle existe, et elle est peut-être plus stable quand les textes sont très brefs, ou quand il y a des titres. On a, par exemple, dans le livre des Nombres, on évoque un groupe qu'on appelle les Moshlim, les poètes, et on cite un petit adage, probablement ironique, concernant la destruction de deux villes. « Venez à Hishbon, qu'elle soit rebâtie et restaurée, la ville de Sichon. » Donc ça, c'est probablement quelque chose qui peut se transmettre comme ça. Il n'y a pas besoin là d'altérer beaucoup, c'est des petites choses. Évidemment, on peut aussi penser à des pleureuses qui, en effet, comme c'est d'ailleurs le cas encore aujourd'hui dans certains contextes, qui ont des petits chants très brefs qu'ils transmettent et qui ne bougent pas beaucoup, beaucoup. La même chose, on peut le dire, c'est pour des épithètes et des acclamations poétiques. Là, on peut vraiment parler de la longue durée. Là, ce qui est très intéressant, c'est le dossier Ougarite, parce qu'on a les textes d'Ougarite qui datent de quoi ? De 1300, 1400, même 1400, 1300, et qui ont un certain nombre de titres et d'expressions qu'on va retrouver dans la Bible pour Yahvé. Donc, c'est difficile de dire que les scribes bibliques ont copié les tablettes d'Ougarite. Donc, c'est probablement pas une sorte de transmission orale. Le fait, par exemple, que Baal est appelé le chevaucheur de nuées, c'est lui qui chevauche les nuées, on retrouve la même chose par rapport à Yahvé. L'idée aussi que les montagnes ruissellent lorsque Baal revient, même expression lorsque Yahvé se manifeste. Prenez un psaume comme le psaume 47, acclamez Dieu par des cris de joie. Dieu est monté au milieu des acclamations. Yahvé au son de la trompe, Dieu est roi. Dieu est assis sur son trône sacré. Et on retrouve les mêmes racines dans un poème sur Baal qui est également monté, le fils de Dagan. Baal s'est assis sur le trône de sa royauté. Donc là, en effet, vous avez un certain nombre de parallèles, comme aussi le parallèle d'un récit du combat contre la mer qu'on trouve à la fois pour Baal et pour Yahvé, où on peut en effet imaginer que ces thèmes-là et ces expressions se sont vraiment transmises de manière orale, jusque pour la première fois, on les a mis par écrit dans le royaume du Nord. Donc ça, je pense, il n'y a pas d'autres explications. Après, évidemment, l'oralité, jusqu'à aujourd'hui, elle est très importante dans tout ce qu'on peut appeler la liturgie. Vous connaissez peut-être le psaume 136, « Célébrez Yahvé car il est bon, car sa fidélité est pour toujours. » Le « Olam Hasto ». Et ça, ça va se répéter dans chaque verset, ou de chaque vers. « Célébrez le Dieu des cieux, le « Olam Hasto ». Célébrer le Seigneur des Seigneurs, sa fidélité est pour toujours. Et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que ça peut faire penser? Ça peut en effet faire penser à une sorte presque de chœur. Quelqu'un qui dit la première partie et un groupe qui répond chaque fois le Olam Hasto, le Olam Hasto. Hein? Donc là, il y a certainement une sorte de, comment dire, de mise en réalisation qui est orale. Mais est-ce qu'on peut dire pour autant que ça a toujours été oral? C'est difficile de savoir. Ce qu'on constate quand même, que dans un autre psaume, vous avez les deux premières parties du verset 1. « Célébrez Yahvé, car il est bon, sa fidélité est pour toujours. » C'est peut-être ça qu'on a pris pour construire après le psaume 136. Donc c'est une sorte d'exclamation liturgique qu'on a utilisée pour structurer ce psaume qui est très très long, qui parle ensuite justement de l'Exode, du séjour dans le désert et du don du pays, sans parler curieusement des patriarches. Quand vous avez des textes que vous récitez de manière orale, ça on peut aussi penser évidemment à des recherches sur les épopées homériques, il y a quoi? Ce qui permet en fait à ceux qui le récitent de structurer le texte. Il y a beaucoup de répétitions. Des répétitions, des caractéristiques pour telle ou telle personne qu'on peut reprendre souvent. Dans l'épopée de Gilgamesh, on voit en effet que chaque fois que quelqu'un parle, c'est presque toujours la même manière. Un tel ouvrit sa bouche et il parla, il dit à un autre. Gilgamesh, quand il s'adresse à Enkidu, c'est toujours « Enkidu, mon ami ». Enkidu, c'est lui que j'aime. Dès qu'on présente Gilgamesh, on va dire en lui deux tiers sont divins, un tiers est humain. Il y a des récits bibliques où on peut en effet imaginer qu'il y a des résidus d'une transmission orale. L'histoire de la création du premier couple, par exemple, si vous avez l'ostémésos, chair de ma chair, on l'appellera femme car c'est de l'homme qu'elle a été prise. Ou ainsi l'homme laisse-t-il son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, les deux ne deviennent qu'une seule chair. C'est des adages qu'on peut imaginer qui ont été transmis d'un manière indépendant à l'origine. À partir de quel moment est-ce qu'on a mis les textes les plus anciens par écrit? Là, je pense, on a des indications assez claires, me semble-t-il. Je dirais vers la fin du 9e siècle avant l'ère chrétienne. Ça, on a des évidences extra-bibliques avec lesquelles j'aimerais terminer. Donc, ça veut dire, en Israël, c'est évidemment le Nord. À l'époque, en Juda, en Jérusalem, on n'écrit pas. Il n'y a pas encore grand-chose. Par contre, sous les Omrides, il va vers la capitale de Samarie, le royaume des Omrides qui a une certaine importance. Les Assyriens vont l'appeler, en effet, la maison de Omri, avec une administration royale assez importante. On a des annales, on a des contrats, et donc au niveau justement des évidences en dehors de la Bible, nous avons en effet quand même un certain nombre d'attestations que c'est vers la fin du 9e siècle qu'on a une activité littéraire. Premier exemple, c'est le calendrier de Gezer, dont je vous ai déjà parlé, qui n'est pas écrit par un scribe professionnel. Donc ce n'est pas très bien écrit, mais ça montre quand même que vers la fin du 9e siècle, même des gens en dehors du palais savent lire et écrire. Et l'exemple le plus intéressant, avec lequel j'aimerais terminer pour aujourd'hui, c'est l'inscription de Der Allah. Pourquoi c'est intéressant? C'est une inscription. Elle est très intéressante déjà parce qu'elle mentionne Balaam, le Balaam qu'on a dans la Bible, mais surtout parce que ça s'appelle le Sefer de Balaam, le livre de Balaam, le rouleau de Balaam, mais c'est écrit sur un mur. Et pourquoi c'est écrit sur un mur? Faut vous imaginer ça comme ça. Là, c'est l'inscription. Là, vous avez des bancs. Et donc, faut imaginer probablement que c'est une sorte d'école. On mettait le texte au tableau, c'est-à-dire au mur. Et là, vous avez les apprentis scribes qui étaient là et qui devaient probablement copier ce texte. Et Dera, ce n'est pas un centre, ce n'est pas Samarie, ce n'est pas la capitale, c'est plutôt un peu la campagne. Mais apparemment, donc, vers la fin du 9e, ou certains disent plutôt le 8e, peu importe, vous avez en effet le contexte d'une école. Le texte est écrit sur un mur, avec évidemment l'idée que les élèves puissent le copier. Donc cette inscription, très brièvement, parle d'un dénommé Balaam, fils de Béor, exactement comme dans le texte biblique, qui vit les dieux, ou qui voit les dieux, et qui ensuite va rapporter ce que le Shedeim, c'est comme El Shaddai, ce que le Shaddaïn ont en effet décidé. Et après, il y a une question, en effet, de l'assemblée des dieux qui, en effet, disent à Shamash, qui est le dieu du soleil, « Tu peux boucler les écluses du ciel avec tes nuages, qu'il y ait des ténèbres, non pas d'éclats, des ténèbres, non pas des rayons de lumière. Tu pourras provoquer de la terreur avec des nuées obscures, mais ne gronde pas pour toujours. » Est-ce que ça fait allusion à une éclipse de soleil? On peut imaginer toutes sortes de choses. Ça fait penser aussi un tout petit peu aux plaies d'Égypte, mais apparemment une sorte de catastrophe ou disons de ténèbres qu'on a en effet compris comme étant amenées par le dieu et donc transmis par Balaam, comme dans le livre des Nombres. Donc derrière là, il est ici donc près donc du Jourdain. Donc Balaam a accès à la cour divine et évidemment il s'agit du même Balaam qu'on trouve dans la Bible. Donc là nous sommes en effet au 8e siècle. Donc c'est à partir de cela en effet qu'on a des grandes inscriptions, des grandes inscriptions comme aussi la stèle de Mécha qui date exactement de la même époque, qui a une théologie tout à fait proche de ce qu'on trouve dans la Bible. Parce que Mécha, le roi de Moab, va dire « Omri, le roi d'Israël, a opprimé Moab, car Kemosh, le dieu des Moabites, s'est mis en colère. » Il s'est irrité. C'est la même chose qu'on trouve dans le livre des Juges. La colère de Yahvé s'enflamma contre Israël et le vendit aux mains des Ammonites. Donc l'idée, en fait, de la colère du dieu. Et là aussi, longtemps, on avait dit que c'est une sorte d'invention des théologiens deutéronomistes. Là, on l'a déjà dans la stèle de Mécha. Donc, on voit qu'à partir du 9e siècle, on va mettre par écrit un certain nombre de textes. Alors, lesquels sont les plus anciens? Sans doute les textes du Nord. Alors, on va les voir, il s'agit des histoires des juges, des histoires de Saül, l'histoire de l'Exode, l'histoire de Jacob, notamment. C'était les cours du Collège de France où vous venez d'écouter le philologue exégète Thomas Römer dans le cadre de sa série « Naissance de la Bible, anciennes et nouvelles hypothèses ». Aujourd'hui, de la tradition orale à la mise par écrit des plus anciennes traditions du royaume d'Israël. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les citations, et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Thomas Römer. Il a contribué au bel ouvrage collectif « La Bible, une encyclopédie contemporaine » publié chez Bayard en 2018. Je rappelle également son ouvrage « L'invention de Dieu » publié au Seuil et plus récemment sur des dessins de Léonie Bischoff, « Naissance de la Bible, comment elle a été écrite » aux éditions Le Lombard, collection La Petite Bédéthèque des Savoirs. Iconographie web Claire Consignon. Réalisation Laure-Hélène Planchet. Présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons notre enquête autour de la naissance de la Bible en compagnie de Thomas Römer. Il sera question de la bibliothèque du roi Josias. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Je vous souhaite une bonne journée à l'écoute de France Culture.